Bilan, page 30, activité 1, piste 22. Bonjour Lina. Salut Nam, je te présente Gabriel et Louis, mes meilleurs copains.